You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. You are listening to a non-commercial, community-powered radio. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir Adrien. Bonsoir Romain. Et bonsoir tout le monde who's listening to us. Tonight is... it's very cold. It's so cold. It's a super cold night in the Twin Cities. A lot of schools actually get canceled today. Mm-hmm. So today is just Adrien and myself. And because Freddy is in Paris. Paris, il sera toujours Paris. Voilà. There's no theme tonight. We're going to play quite a few recent songs, some that are not so recent. And we're going to play a few songs because Les Victoires de la Musique, that was this past Friday, that's the French Grammys. So we're just going to play like 3-4 songs representing the artists who won. Ooh. Yes, including Santa, Pierre Garnier, Gims, and also Alyosha Schneider. But we'll talk about those when time comes. And so Adrien and I established the playlist, and we got some help, actually quite substantial help from from Melissa, our friend, and Chloé, my daughter. Oui. So, yes. So, bonsoir. Bonsoir tout le monde. And we are going to start. What do you think? I think it's perfect. Okay. Let's get started. So we're going to start with singers who were who received awards at Les Victoires de la Musique. We're going to start with Santa, with La Différence, and she's really, she's probably like this year's or 2024's, I would say, like artist of the year. She really rose in 2024. So Santa with La Différence, then the best new female singer Solan with Rome, and it's a live version. And then yes. Alyosha Schneider, who's actually his brother, is an actor, Niels Schneider, who's Virginie Efira's, I was going to say husband, but I don't think they're married, but it doesn't really matter. And here he sings ensemble with his girlfriend, Charlotte Cardin, who's a singer from Quebec, and the song is called Ensemble. So we're going to start with Santa. Allez, on y va. C'est parti. C'est quoi la différence entre le bon DJ et le mauvais DJ? Simple que ça. C'est aussi simple que ça. Après les guéguerres de chapelle, moi je suis un DJ techno, je joue qu'en vinyle, moi je suis un DJ de hip-hop, je fais pas. Je joue pas avec un ordinateur, je joue qu'avec. Eh, tu sais quoi, allez sur les forums, là, vous défoulez là. Un DJ, c'est un mec qui fait danser les gens. Après les éternels, je raconte une histoire derrière les platines. Tu peux, effectivement, tu peux enjoliver tout ça en disant ok, je fais monter la sauce. Le but du jeu, c'est de faire danser les gens et que les gens passent une bonne soirée. Il faut pas trop. Fantasmer. Après, oui, il y a effectivement aujourd'hui, mais là, ça nous dépasse, c'est les histoires de la scène EDM, des mecs qui remplissent des stades et qui gagnent des millions de dollars pour aller passer de la musique horrible. J'ai le vertige de nous. On n'a pas le même ticket pour cette vie de fou. Et si tout sonne faux, toi tu sonnes vrai. Je préfère ton trop au pas assez. Tu feras la différence. feras la différence. Ton cœur prend des battements. Il danse avec les loups précis. Tu feras la différence. Quand le cœur de l'enfant se t'a chienne, mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Je veux plus supplier qu'on me rende mes nuits, mes rues sous les lumières. Des soleils de minuit, qu'on me rende ces fêtes qui comblent mes insomnies, sans l'ombre d'une main qui flotte et se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit des mea culpa à la chaîne, à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Thank you. certains me doivent aimer à culpa à genoux, mais préfèrent cracher leur venin debout. Et je mangerai leur langue si c'est le prix du silence. Je mangerai leur langue si c'est le prix du silence. La mémoire est courte, l'été est cruel, et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle, et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. J'étais dans la foule, j'ai raté ton appel. J'ai raté ton appel. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques. Et voilà, we are back, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI with Adrien et Romain. And we just listened to not three songs but four songs, because the first one was not the the right one, but we let it play anyway. So we listened to Roland Garros, which is part of what of Adrien's selection, featuring Darlene with Revers Gagnant, followed by Santa, who won Album of the Year, the Victoire de la Musique, with La Différence. Then Solane, the best new artist, female new artist at the Victoire, with Rome. And the last one, which is really beautiful. Beautiful song. Alyosha Schneider with Charlotte Ensemble. Cardin, with the song Ensemble. Ensemble. And they are together. Yes. Yeah, that's true. Yeah. So, but that's really, really a good song. And he, I can't remember if he won or not, but he was nominated as Best New Male Artist, Alyosha Schneider. So we're going to continue with, so the first one is another from the Victoire de la Musique, Pierre Garnier, who's really been around for about a year because he won another like French new talent competition called Star Academy last year, early 2024. And so Pierre Garnier won Male Artist of the Year at the Victoire de la Musique. And we're going to listen to one of his hits, Ceux qu'on était, Those That We Were. And then we're going to listen. Oh, no, actually, it was Best New Artist. Yes, that's what I said. Mm-hmm. Gims won Best Male Artist. And we're going to play the song Sapé. Niska. I like Niska. Yeah, Sapé comme jamais with Niska. Mm-hmm. Sapé comme jamais means that they were dressed to the nines, like never before. And then, and that's part of, Sapé comme jamais is part of, was not at the Victoire de la Musique, but that was part of Chloé's playlist. Ah. Yes, or selection. And then another of Chloé's songs with Adèle Castillon. And the song is C'est drôle, it's funny. Yes. All right. And we'll be back after those three songs. But first, we're going to play a couple of announcements. KFAI is proud to present the 42nd annual Minneapolis Battle of the Jug Bands at the Caboose on Sunday, February 23rd from noon until 7 p.m. The annual Minneapolis Battle of the Jug Bands consists of over 20 bands with acoustic and homemade instruments, all battling for the Waffle Iron Trophy and bragging rights. More information on the 42nd annual Minneapolis Battle of the Jug Bands can be found at jugbandmpls.weebly.com for more details. That's all there is. There isn't any more. Which Black Minnesotan is part of the global zeitgeist of Black, queer, trans creatives creating new lanes of access and centering their legacy within the music and arts industry? Camila Love is a vocalist and songwriter to look out for. Her songwriting skills tell stories of desire, self-love, and the discovery of one's true purpose. Based in Minneapolis, Minnesota, she has been featured in publications such as Complex, The Face, High Snobiety, Pitchfork, and many more. Camila Love's career is only beginning, but her sound is mature and refined beyond her years. Stream Camila Love's music on every platform. Camila Love is an icon in Black Minnesota herstory. C'est ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir, et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pardonné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerais rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave.

comme une idée de ce qu'est la vie. C'est drôle comme on s'évite, t'es ma folie. Des promesses arrachées au cœur, des je t'aime accrochées aux pleurs. C'est drôle, qu'est-ce que c'est drôle? Triste ce soir, il pleut tes vices. C'est drôle comme on s'évite, t'es ma folie. C'est drôle, l'amour existe, c'est mieux quand il persiste. C'est drôle comme je résiste, je suis démolie. Au cœur, t'es je t'aime accroché aux pleurs. C'est drôle, c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle? On s'est marré pour que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Qu'est-ce qu'on s'est marré? Marré. Et voilà, we are back. We are back. We just listened to three songs. Yes, the first one by Pierre Garnier with Ce qu'on était. Then Sapé Comme Jamais by Gims featuring Niska. And Adèle Castillon with C'est Drôle. And the last two songs were Chloé's playlist. And we are going to continue and with the next two songs, which are also from Chloé's playlist, mm-hmm. Big Flo et Oli with Sur la Lune. On the Moon. Oui. And then Angèle with Les Matins, Mornings. Les Matins. And the next one will be the first song from Melissa's playlist. And we'll listen to more songs by on Chloé's playlist, on Adrien's playlist, etc. later on. But I don't want to play all the songs at the same time. Mm. You know, I want to alternate. Mix it up, yeah. And the first song on Melissa's playlist is Les Mans with Les Étoiles, which is really a great song too. Yeah, so, beautiful song. Let's go with Big Flo et Oli. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai vieux, j'aurai enfin trouvé ma place. Parce que j'ai beau courir, je rattrape pas le temps qui passe. Un jour je serai père, j'aurai un fils à élever. Et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Un jour je serai fort, j'aurai plus de fourmis dans les jambes. Quand le monde est immobile, pourquoi c'est moi qui tremble? Un jour je serai mieux, je sais, je le serai un jour.

On a quitté la terre, on a décroché la lune, on a fleuri le béton, les déserts au milieu des dunes. On a effacé les frontières, on en a stoppé des guerres, on a jeté les chaînes qu'on avait dans la tête, on a fait de nous deux un poème et une fête. On a touché les étoiles avec la tête dans la lune, on a chanté notre histoire, la la la la, nos rêves et infortune. On en rêvait tellement le soir sans trouver les mots justes, puis elle a fini notre histoire, la la la la, avec la tête dans la lune. Et souviens-toi du meilleur de ces mômes qu'on était et de tous ces mots doux qu'on se disait ailleurs, souvent même sans parler. Et pour te revoir un jour, je n'aurai qu'à m'adresser au ciel, puisque toutes les étoiles te connaissent bien pour être l'une d'entre elles. On a touché les étoiles avec la tête dans la lune, on a chanté notre histoire, la la la la, nos rêves et infortunes. On en rêvait tellement le soir sans trouver les mots justes, puis elle a filé notre histoire, la la la la, avec la tête dans la lune, avec la tête dans la lune. Si c'était toi l'étoile filante, ma belle étoile, si tu me manques, je n'oublie pas cette dernière danse. Merci d'avoir touché les étoiles avec la tête dans la lune. On a chanté notre histoire, la la la la, nos rêves et infortunes. On en rêvait tellement le soir sans trouver les mots justes, puis elle a filé notre histoire, la la la la, avec la tête dans la lune. And voilà. we are back. We were a little bit dans la lune. Yeah, well, I thought there was another song, but no, it was the That the was third the one. Song. And yes. Yeah, no, beautiful song. Came up in my Spotify recently. Yeah, so we listened to Big Flo et Oli with Sur la Lune, followed by Angèle with Les Matins. Mm-hmm. And the last one was Léman with Les Étoiles. So voilà. Thank you, Mélissa and Chloé, for your great selections. And we're going to continue. Why stop? We never stop. No. So the next one is... the next two are on Mélissa's list with Bon Entendeur. That we really like here. Oh, yeah. Bon Entendeur. It's a collective. I don't know how many there are, but it's a group. A bunch of DJs. Yes. A bunch of people. Who remix a lot of songs from the Ye Ye era, from the 60s, and they make them sound like they're from today. Yeah. They're really cool. And so the first song, Bon Entendeur, is Rome. Interesting choice. Yeah. That one. I like a little bit outside we've the beaten path. A couple of times also. Le temps est bon, le ciel est bleu. The big ones, yes. the big major ones. And then Therapy Taxi, that was the band with the lead singer was Adé, who's now a solo artist. Yeah, with Candid Crush. Yep. Love that and song. And it's a live version. Mm-hmm. And then another song from Chloé's playlist. That's actually from... Another Big Flo et Oli. Oh, what the next one is actually Oh, yeah. Different one. Yeah, no, but that's fine. We'll play Big Flo Eoli Promesse. Because, I mean, it's on my player, so we'll do that. And we'll, Big Flo Eoli, that's Promises. And we're going to start with Bon Entendeur. All right, c'est parti. C'est parti. Tu m'as volé, je crois cette nuit-là. Toutes mes cordes de

appartement, une villa sur la mer, pour toujours, tout le temps. Les promesses, les promesses, les promesses. On aura deux enfants, une villa sur la mer, pour toujours, tout le temps. Les promesses, les promesses, les promesses. Les promesses, les promesses, les promesses. Les promesses. And we are back. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI. And that's it? Oui, that's it. It's Fresh Air Community Radio. Okay. KFAI, 90.3 FM, Minneapolis-St. Paul. And streaming at kfai.org. Okay. Voilà. Eh bien, très bien. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire à KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Et vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Voilà, you're listening to Romain. Et Adrien. And we just listened to three more songs. And the first one was Bon Entendeur with Rome, followed by Candid Crush, the Therapy Taxi, that was a live version. And the last one was Big Flo et Oli with Promesse. We're going to continue listening to some music. And after the next series, we're going to talk about the events in the Twin Cities area, which is where we live. And we're going to listen to three songs from Adrien's selection, with Jean-Jacques Goldman with Bonne Idée, Good Idea. Then Lalo with Une Histoire Étrange, A Strange Story. Mm-hmm. Hmm. And the next one, the last one of the series, will be Francis Cabrel with Bonne Nouvelle, Good News, and that's a live version from 2004. Yeah, so in Histoire Étrange, Lalo was recently featured by Enoch Stagg in Kaizen, which is the most viewed documentary on YouTube. Enoch Stagg is a French YouTuber, and he went and did the Mount Everest, and this is how I stumble onto that song, so just wanted to share it tonight as it's a little bit different. And Jean-Jacques Goldman, Bonne Idée, I've been a fan, as you know, Romain. You know me, if you know Adrien. Well, you know me too. Jean-Jacques Goldman is part of me and my life. And then you said the same thing about you. Oh, yes. Oui, bien sûr. He said Jean-Jacques Goldman the other day said, oh, and Adrien is part of my life and of me. We go on a lot of bicycle trips. and then the third one, what did we change? Francis Cabrel. Francis Cabrel, Bonne Nouvelle. That's a special one. That's a special one today. Yeah. Okay. Surprise, surprise. So let's start with Jean-Jacques Goldman. Début de janvier, si j'ai bien su compter, reste de fête ou bien veut très appuyé. De rue tout de moche, lequel a eu l'idée. Qu'importe, j'ai gagné la course, et parmi des milliers, nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers. Une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés au creux de nos mères. Fait bon mûrir, puis j'ai vu de la lumière. Alors je suis sorti, j'ai dit bonne idée. Il y avait du soleil, parfum de la pluie, Chaque jour un nouveau réveil, chaque jour une autre nuit. Des routes et des motards et des matchs de rugby. Des spaghettis, Frédéric Dard et Johnny Winter aussi. On m'a dit c'est qu'une étincelle avant l'obscurité. Juste un passage, un arc-en-ciel, une étrange absurdité. Des frères, des tendres, des trésors à chercher. Des vertiges, apprendre à comprendre des filles à caresser. Je suis libre. Bonne idée. Était tombé avec mon sac et ma guitare. J'étais un peu fatigué. Tout était si désert pour me désaltérer. Et puis j'ai vu de la lumière et je vous ai trouvé. C'est une histoire étrange. Peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. J'ai vu toutes ces nuits devant ton iPod cassé. Écrire des lignes sur des bouts de papier. C'était pas ouf, mais au moins t'essayais, essayais. Pendant que les autres faisaient que bégayer. Et t'as traîné des failles juste pour voir ce que ça fait d'être éclaté sous Jack. En avoir rien à foutre, t'as fait des connaissances. Et t'as ouvert ton cœur comme si c'était un stadium de foot. Tu croyais que c'était tes potes et qu'ils seraient à vie. Que vos destins resteraient liés. Quoi qu'il arrive, tu t'es trompé. Mais je peux pas t'en vouloir, non. Parce que celui qui a jamais essayé sera jamais éveillé. Le bonheur faut le payer pour un euro, mais avec des larmes. C'est une histoire étrange. Peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Étoiles dans le ciel. Sous les ponts et t'arrives te regarder dans le miroir et te sourire. Tous tes vieux chagrins sont loin derrière toi. Avec le temps ça devient de jolis souvenirs. Je te dis pas qu'il faut voir la fille tout en rose. Mais bon au moins faut pas vouloir la rendre grise. Oui je sais t'as toujours pas ta lampe. Mais t'as des rêves qui ne demandent qu'à vivre. Et t'es dur avec toi. Ça j'espère que tu le resteras jusqu'à la fin de l'histoire, hein. parce que c'est ta façon de faire et que c'est la meilleure au monde. Juste parce que c'est la tienne. Mike, t'as tout dans ta tête, leur dis même pas pardon. T'es fait tout en or brut, si tu gagnes c'est normal. Si tu perds y'a R, y'aura remontada. Tu vas faire des projets, y'en a certains qui vont être sains. Y'en a d'autres qui vont couler comme un navire dans l'océan. Mais c'est rien, parce que tu sais que t'es plus le même. Que ta trace est comme un chemin dans une contrée que tout le monde croyait infranchissable. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Si t'arrêtes et courir, juste une minute, tu verras ta propre étoile dans le ciel. Tu te poses encore des questions? C'est pas important ce que je suis, c'est ce que tu es qui est important. Et si je te suis depuis le début de ton aventure, c'est pour t'aider à comprendre ça. Tu t'en es pas rendu compte, mais t'as évolué. Et je suis fier de toi. J'espère que tu continueras à avancer dans ce tunnel. Même si tu ne vois pas la lumière qui est au bout, parce que c'est pas la fin qui compte. C'est le chemin à la clé. Ton chemin, c'est ton histoire. Alors écris-la, coûte que coûte. Même si elle est étrange. Deux ou trois anges autour, toujours en sentinelle. Des papillons aux ailes lourdes de cannelle. Y'a pas de raison ce soir confidentiel. Chaque fois que je te vois, que je t'appelle, la vie me donne ce que j'attends d'elle. Dans chaque bar, chaque coin de rue, chaque chapelle, on voit bien que sans toi, je dérive au diesel. Toi, t'as les clés de tout, de la tour Eiffel. C'est de là-haut que tu colores l'arc-en-ciel. C'est pour ça que je t'appelle, bonne nouvelle. J'entends les cuivres, les cordes, les violoncelles. Je vois le monde loin, loin sous mes échelles. La nature a beau faire le lait, le miel, le grand, l'inestimable. L'essentiel, c'est toujours mieux sous ton ombrelle. Bonne nouvelle. Je me battais comme tout le monde pour quitter les ombres profondes. Des tunnels. Je t'attendais comme un miracle, un Noël. Il est venu mon jour de chance, ni en retard ni en avance. Ponctuel, quand t'as allumé ton sourire, j'ai pu enfin m'entendre dire. La vie me donne ce que j'attendais. La vie me donne ce que j'attends d'elle. Et comme ça, ce serait donc moi le gars aux yeux pleins d'étincelles. Celui qui connaît toutes tes couleurs de rimmel. À chaque fois que nos doigts s'entremêlent, est-ce que tu sens les nuages à tes semelles? Et si c'était éternel? Dans quelques temps, dans quelques tours de carousel, quand je t'écrirai des mots d'amour, poivre et sel, pas de raison. raison que ce soit confidentiel. Je dirai comme à chaque fois que je t'appelle, la vie me donne ce que j'attends d'elle. La vie me donne ce que j'attends d'elle. La vie me donne ce que j'attends d'elle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Je me battais comme tout le monde. D'obstacles. Bonne nouvelle. Et voilà. Back. So you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. Oui. It is 9:17 on Tuesday night. Voilà. And you're listening to Adrien. Et Romain. And we listened to three more songs, and they were all from Adrien's selection with Jean-Jacques Goldman, Bonne Idée. So there's good news. With Francis Cabrel, that was the last one, and voilà. Good Idea by Jean-Jacques Goldman. Tout est bon. Ah, oui. Tout est bon. So then it was Lalo. So avec great. Une histoire étrange. Yeah, strange. Ah, une histoire étrange. I'm happy. Yeah. I didn't know it. Great. And then, well, Bonne Nouvelle by I Francis was like, Cabrel. Well, you know, we might as well like have some newbies here on the list. Well, so. That's great to discover new, or maybe not that new, but at least to me that was it is new. Was new. Mm-hmm. Before going back to music, oui. We're going to talk a little bit about the events. Voilà. Okay, so... Top. Yeah, so, first, like, the... I was going to say every year, but I don't know how long it's been going on, but at least it's the, I think it's the third year at least that we're talking about it. Mm-hmm. There's a French film festival at Saint Benedict in Saint John's it's on the campus. And the this year it starts Friday the 21st, so this Friday, with Linda veut du poulet. Linda wants I've seen chicken. It. Yeah, that's yeah. an animated yeah. movie. Mm-hmm. Yeah, it was presented, featured at M. Spiff last year as well. Oh yeah, that's right. Yeah. I remembered the title. So there are a few movies between the 21st of February and the last one will be Tuesday, April 8th. Mm-hmm. With La Passion de Dodin Bouffant, which is The Taste of Things, mm-hmm. that was that we saw at the Main. It was in 2024 with Juliette Binoche. Voilà. And among the other movies, and you can go on their website, and we should have the link at some point on our page on Bonjour Minnesota. But there was also Anatomy d'une Chute. Ah, oui, of wonderful. Fall, which wonderful. Is, yeah, absolutely exquisite. That will be that on movie. The 26th. Of February, on March 11th, Sur l'Adamant. Then Onoda, the 26th of March. The 31st of March, Lumumba. And which might have been presented also at MSPIF, but I'm not sure. And the last one will be La Passion de Dodin Bouffant, The Taste of Things, on the 8th. Okay. Great. Well, and then we have Mardi Gras Dance Pair Party Celebration with the New Riverside Ramblers. Hello to them. And that will be on Saturday, March 1st. The music will be from 7:30 to 11 p.m. Doors open at 7. Costumes are encouraged but not required. It will take place at the Minneapolis Eagles Club 34, 2507 East 25th Street, Minneapolis, Minnesota. It's at the corner of 25th and 25th South in Minneapolis. It's a fabulous dance floor, great room, full bar service, and easy of street parking. The cover, there is a cover with this event. So Mardi Gras dance party with the new Riverside Ramblers, which is a Cajun band that we've played here, that we've interviewed here. Okay. Great, great folks. So hi to them. Yes. So what else? All right. So there will be actually tomorrow, Cécile McLaurin-Salvant. She's great at the Dakota. That's tomorrow. That's February 19th at 6:30. And I think there are two shows. So it must be 6:30 and one later tomorrow. Mm-hmm. So it is tomorrow, as I just said. On Thursday, there's the Apéritif en Français in St. Paul at the University Club on Summit Avenue, and it's organized by the Alliance Française. It's always fun. Then on Friday night at the Alliance Française, great event. If you're free, I would recommend you you go. That sounds really good. It's Agneta Falk meets Shvedran, an evening of music and poetry. Mm. So it is Friday night at the Alliance Française at 227 Colfax Avenue North in Minneapolis. You can go on afmsp.org for more details and to RSVP. They really like to know how many people they should expect. On Saturday at 10 a.m. In Little Canada, there's the Gervais family get together, and that's that hi to John and Little Canada Society. Yes, we're excited. They are excited to be honoring a special family, only event that will celebrate Little Canada's founding family, the Gervais, and serve as a kickoff for the Gervais Lawrence Book Project. So you can go on our page for more information. Still on Saturday, Les Étoiles du Nord, that's the kind of a youth club at the Alliance Française. There's a that's Aprem Ciné. So there's a movie that's showed. It's Fifi. That's for the teenagers. And Les Étoiles du Nord, that's primarily designed for the heritage speakers of French, and so it will be at the Alliance Française at I think it's at 2 p.m. I don't see the exact time, but I think, well, actually I do have the exact time here. Yes, it is 2 p.m. at 227 Colfax Avenue North in Minneapolis. And it's always better to RSVP in advance. And then next week, we'll talk about those events on Tuesday, but there's the Awe Factor, that's also at the Alliance Française, a performance for the Plastic Free Challenge, and that is at 6 p.m. at the Alliance Française, still 227 Colfax Avenue North in Minneapolis. And if you want more details, you can go on afmsp.org or on our page at Bonjour Minnesota on Facebook. And what else? Next, well, so not this coming Friday, but the next, the 28th, where will that be? 836 Prior Avenue North in St. Paul. That's the Celtic Junction Art Center. And we talked about it last week. Dance with Dan Newton's Café Accordion Orchestra. And that will be in St. Paul on North Prior Avenue at 7:30. And the last one I'm going to mention today is the Petit Déj at the Alliance Française on March 1st, which is also Chloé's 18th birthday. Ooh. Yes. Yeah, so I don't think I'd be going to the petit-déj that time, but who knows? La majorité. Yes, and it's at 9:30 at the Alliance Française, 2227 Colfax Avenue North, and it's a great, great way to meet people, and there's always a lot of, there are a lot of people showing up for conversation and coffee and croissant and whatnot. So, voilà. So thank you, Romain. Should we go back to music? Some music. Absolutely. Okay. So, three songs. The first one was selected by Chloé, and that's a classic. That's L'Hymne à l'amour by Edith Piaf, which is on Chloé's playlist. And then two songs selected also by Adrien, with Les Gens by Christophe Maé, People. And then Pablintox, and maybe you'll tell us about him or about them, Échec et Mat, Checkmate. So who's Pablintox? Pablintox is one of my friends. From where? From the south of France, okay. And we grew up together, and he's just a new revelation, I think. Something else I wanted to share that was a little bit new, so I'll just leave it there and just take a listen. Okay, well, that's what we're here for. So let's start with L'Hymne à l'amour by Edith Piaf. C'est parti. Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Me rapporte si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes mains, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu me au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, je m'attarde, si tu m'aimes, parle-moi, j'aimerais aussi. Nous aurons conseil. Y'a des gens du voyage, y'a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Et y'a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Y'a des gens divers et y'a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Et y'a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et y'a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y'a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y'a des gens de la haute et y'a des gens d'en bas. Y'a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Y'a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et y'a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y'a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y'a des gens de la nuit, y'a des gens du matin, des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Y'a des gens qui saoulent et des gens soulageants, des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et y'a des gens changeants et y'a des gens stables, des affligeants et des remarquables. Des gens de l'est, des gens à l'ouest, des gens qui vont, d'autres qui restent. Et y'a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y'a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Et y'a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Y'a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Y'a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Y'a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, et dans tout ça, et dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça, nous deux. Pinocchio, fuera la puerta, por favor. Claro que sí, tío. Hora de ponerse manos a la obra. Escucha esto. Sí. Comme Walt Disney avant son succès. Comme Rosa Parks avant son succès. Comme Galilée avant son succès. Ou comme Williams avant son succès. Ouais. Ces gens-là sont des durs à cuire. Ces gens-là sont des durs à cuire, je te jure. Ces gens-là sont des durs à cuire. Ils ont connu les échecs, surmonté beaucoup d'obstacles. Avant de faire échec et mat, ils étaient comme toi et moi. Ils étaient comme toi et moi, à multiplier l'échec. Et tomber pour se relever, et retomber pour se relever, jusqu'à plus pouvoir se lever. Puis ils ont eu un déclic, une idée nourrie par la foi. Comme Walt Disney avant son succès. Comme Rosa Parks avant son succès. Comme Galilée avant son succès. Ou comme Williams avant son succès. Comme Walt Disney avant son succès. Comme Rosa Parks avant son succès. Comme Galilée avant son succès. Ou comme Williams avant son succès. Échouer n'est pas une fatalité. Au contraire, faisant une finalité. Y'en a certains qui prennent des pénalités et d'autres qui transforment des pénalités. J'espère que là tu commences enfin à piger et que tu comprends que tu peux toujours rêver grand. Alors maintenant établis ton plan, mon grand. Comme Walt Disney avant son succès. Les parcs d'attractions et Mickey. Comme Rosa Parks avant son succès. La ségrégation raciale. Comme Galilée avant son succès. La terre est ronde. comme Williams avant son succès. La moisson des grands chelems. Et comme eux, sois sûr de maîtriser ses qualités. La résilience, persévérance, patience, modestie, discipline, audace, passion et surtout, action. Comme Walt Disney avant son succès. Comme Rosa Parks avant son succès. Comme Galilée avant son succès. Ou comme Williams avant son succès. Comme Walt Disney avant son succès. Comme Rosa Parks avant son succès. Comme Galilée avant son succès. Ou comme Williams avant son succès. Pas. Chaque échec s'est mandu la graine d'un succès équivalent. And we are back. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI, and it is 9:37. That's right. And we are going to listen to. So let me backtrack first. Announce. Yes. So we listened to three songs, L'Hymne à l'amour by Edith Piaf, followed by Les gens by Christophe Maé, and Pablo Intox with Échec et Mat. Voilà. Great selection, Adrien. Oh, merci, merci. I try. Yes. I got a little help maybe with my, and my, yeah, Pablo Intox, that's just chill. I hope he gets to come and say hi sometime on the phone or otherwise. Yeah. It would be great. Très bien. So we're going to listen to let's move that up. Three more songs. Let's move this up. And no, I think we'll listen to good. A few. Yes, because we have one up. yeah. So we're going to listen to another song selected by Melissa with Je t'aime encore. I still love you by Yel. Then another classic that was selected by Chloé with Charles Aznavour with La Bohème, chanson complètement intemporelle. And that's a live version at the Olympia in Paris in 1968. And then another song selected by Chloé, that's Daniel Balavoine, SOS d'un terrien en détresse, SOS from an Earth. What would you say, terrien? I don't even know. Earther? No. Well, whatever. In distress. And that's from actually the rock opera Starmania by Michel Berger and Luc Plamondon. And yes, so let's start with Yel. Quel point je t'admire, tu t'enroules dans ce que tu sais.

je vis, pourquoi je meurs. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau. La vie avec les bandes dessinées, j'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Grand loto de l'univers. Pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. Et voilà. We're back. We were. We didn't have les pieds sur terre. Yeah, but also the song ended quite abruptly. So all right. So we listened to three songs with Yel, with Je t'aime encore, followed by La Bohème, by le grand Charles. Oui. Aznavour. And that was a great live version. And Daniel Balavoine with SOS d'un terrien en détresse from Starmania. Magnifique sélection. Yes, I agree. And we're going to continue with three more songs. The first one by Adrien. Agitation tropicale by L'Impératrice. Then another song selected by Chloé, by Daniel Balavoine, Je ne suis pas un héros. Oui. I am not a hero. You're a hero. And then Franglish by Joe. Ah. And featuring Aya Nakamura. Très bien. And let's start with L'Impératrice. Thank you. Just going to say good night, bonne soirée, and we'll be Freddie will be back next week in the studio. And in the meantime, we have 5 more minutes of Bonjour Minnesota, and stay tuned for Balkan Jamboree. Good night. Thank you for listening. We love you. Au revoir. Have a good night. Un peu plus vers la fin. Quand je monte sur scène, comme on prend le dernier train. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains. Me crie qu'elle m'aime et dont je ne sais rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis à mes larmes, je sais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Et je me dis qu'elles rêvent, mais ça leur fait du bien. À coup de poing dans l'âme, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder.